camion est plein à craquer. Ses clients sont des déportés. Toujours du luxe et emmerdant, car ils ne peuvent jamais payer. Ils ne vivent pas assez longtemps. Car ils ne peuvent jamais payer. Ils ne vivent pas assez longtemps. Buchanan, Buchanan, Buchanan. Faire des visites à domicile, car c'est pris en poste dans des camps. Pour s'y virer c'est difficile. Heureusement qu'il y fait très chaud, c'est important la météo. Heureusement qu'il y fait très chaud, c'est important la météo. Buchanan, Buchanan, Buchanan. Enfin la journée est terminée, il retient lui, il est crevé. C'est de l'issue au boulot, il pense à ceux qui travaillent trop. Même dans ses rêves il est dément, il avale de nouveaux traitements. Même dans ses rêves il est dément, il avale de nouveaux traitements. Buchanan, Buchanan, Buchanan. Ces clients sont des déportés. Toujours les juifs c'est emmerdant. Car ils ne peuvent jamais payer. Ils ne vivent pas assez longtemps. Car ils ne peuvent jamais payer. Ils ne vivent pas assez longtemps. Buchanan, Buchanan, Buchanan, Buchanan.